au quatrième top. Essaie de te réveiller parce que je crois qu'il dort. Il sera exactement... trop tard. Dis donc, machin, là, si je sais pas ton nom, t'es en train de faire quoi, exactement? Je cale la musique. Ah oui, d'accord, c'est bien la musique du générique que tu cales. Ah oui, c'est... D'accord, et tu veux lancer ça vers quelle heure? Bah, quand tu me le dis, pourquoi? Mais parce que c'est maintenant. Il y a longtemps, mais ça n'a pas changé, c'est toujours le bordel. Installe le micro, je mets la chaise comme il faut, voilà. Ah, je suis bien là, je suis bien installé. Salut à tous, qu'est-ce que je suis content d'être ici, vous pouvez pas savoir. J'en fais peut-être un peu trop. J'en fais trop? D'accord, j'en ai toujours fait un petit peu trop, je suis un peu monsieur plus de la déconne. Alors, c'est Alex avec vous, je suis de retour, j'ai encore pas pris mes marques là, hein, c'est le bordel. Et en plus, là... Pardon. En plus, c'est un truc que je fais, qu'il faut jamais faire normalement, c'est que là, je suis en train de bouffer une banane. Alors forcément, ça se voit pas au micro. Pardon, je disais ça se voit pas au micro, mais ça s'entend. Mais en tout cas, c'est vachement bon, une banane. En radio, c'est sûr, c'est peut-être pas l'idéal. Mais si tu veux, je peux pas m'en empêcher. J'avais envie d'une banane voilà, à cette heure-là. Alors, bienvenue dans Pleurage et Sentiments. C'est la nouvelle version, c'est la version 2007. C'est-à-dire que, si tu regardes bien, ça fait presque 20 ans que l'émission n'existe plus, puisqu'elle s'est arrêtée en 89. Ah non, pas encore 20 ans, hein, presque, mais j'ai dit presque, alors... cette banane. Ça me rappelle la banane, exactement le même goût. C'est exactement comme si je mangeais une banane. C'est dingue, c'est... Cette expression... Ah, je peux pas, là. J'y arrive plus. Il faut que j'aille boire un coup parce que la banane, merde. Quand tu fais de la radio, ne jamais manger de banane. Tu sais quoi là, d'un seul coup me vient un truc délirant, plein d'humour, intelligent comme toujours, modestement parlant, puisque je suis, en plus d'être très beau, très intelligent, je suis quelqu'un d'extrêmement modeste. Donc me vient une idée folle, comme toutes mes idées. Pardon, on est en direct, hein. Je ne recommencerai pas, on est en direct, dans les conditions du direct en tout cas. J'ai envie de la faire un peu style années 80, mais justement les années des radios FM, tu sais, les toutes premières, les radios locales, quoi, celles qui étaient des radios pas encore commerciales, pas avec des gros tubes, pas avec, pardon, ça c'est la banane, pas avec, non, donne-moi de l'eau, vas-y. Moi de l'eau, en direct, on est en direct, hein, alors... Voilà, merci, voilà. Oh là, pas bien trop non plus, attends. Je bois, hein, je vous mets de la musique, je bois. Ah. Ah bah ça fait du bien. Oui, donc je disais les années 80, ces fameuses radios où les gars parlaient comme ça en faisant « Eh bien donc, vous avez reconnu mon générique à moi, c'est mon émission jusqu'à... » Et puis donc, Lionel avec vous, Lionel, donc avec le générique en Billy Idol. Le premier titre de cette émission, bah, mis à part le générique Billy Idol, Flesh for Fantasy, que vous venez d'entendre pratiquement en entier, sauf que j'ai causé dessus, mea culpa, mais c'est un générique, c'est fait pour ça non plus. Le premier titre, donc, disais-je, décidément, il ne faut pas manger de banane, ça me reste encore, hein. Et ça fait 5 minutes que j'ai fini de manger ma banane, mais c'est horrible. Une banane, avant l'émission, c'est horrible, il vaut mieux boire, un verre d'eau avec un peu de citron, voilà, très bien. Donc le premier titre est une surprise, puisque c'est un choix de notre technicien fou, et moi-même, je ne sais pas du tout ce que ça va être, voilà. Non, je suis désolé, mais non. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour les autres chanteurs, ceux qui n'ont pas leur place dans l'émission, comme on dit. Mais là, non, tu vois, Rick Astley, Never Gonna Give You Up. t'es un enfoiré. Et j'allais dire autre chose. Enlève-moi cette double tout de suite. C'est quand même un métier dangereux, la radio. On s'en rend pas compte comme ça, mais... Merci aux techniciens. On continue avec quelque chose de beaucoup plus sérieux. The Precious Band avec Afternoon Man. Time is it, Lady Grey? Ça, c'est plein d'ambiance. J'adore ce genre de musique très baroque, comme ça. On a l'impression qu'on est dans les... On sait pas si on est dans les années 60, 70, 80. Et pourtant, c'est les années 2000, puisque c'était The Precious Band, Afternoon Man. Un truc tout récent, voilà, bon. Ah oui, j'ai oublié de le dire, on est en 2007, à l'heure où j'enregistre cette émission, dans les conditions du direct. Et un autre titre, lui aussi plein d'ambiance, j'aime bien, c'est Jesse Syke and the Sweet Hereafter. Ça, c'est le nom du groupe et le titre Eisenhower Moon. Tiens, je me suis pas planté. Is it still a good place to be? If it feels the same, how will we know if it's breaking down? If it's breaking down. Will I still find you there? In the stone and wire, the disconnect that gets me nowhere. C'est super. Moi, après un titre comme ça, normalement, je devrais, pour reprendre une expression bien connue, je devrais fermer ma gueule parce que là, j'ai plus rien à dire. Je suis bouleversé par tant d'émotions. C'est vachement bien. C'était Jesse Sykes. Je ne vais pas redire tout le titre parce que c'est vachement long et compliqué. Ils ont fait exprès parce qu'ils savent que je ne sais pas prononcer l'anglais. Donc, je vous le dirai, un de ces quatre. Écrivez-moi. Et puis, je ne sais pas si tu peux remettre un petit coup. Toi, tu es un bon technicien. Normalement, tu peux remettre un petit... Ah, voilà. Tu vois, j'ai même pas besoin de finir ma phrase. C'est... Voilà, on réécoute juste deux petites notes et puis je me tais parce que c'est... Wow. La voix est magnifique. Hein, ok, bah merci et on enchaîne. Thank you. mais le front baissé, les épaules en dedans, avec dans les yeux toutes les larmes d'avant. Et ça crève d'ennui devant. Je nous vois toutes transies dedans, et le froid qui s'échappe et qu'on sent devant. Immobile comme au lit dormant, et la vie qui s'éteint doucement. Mon cerveau qui veut Eh bien, Pleurage et Sentiments, c'est le nom de l'émission que vous écoutez. Si vous la prenez en cours, vous avez loupé simplement 5 heures d'émission déjà, car c'est une émission qui est très longue, je déconne. Non, ça fait quoi, 24 minutes à peu près que c'est commencé. C'est Alex avec vous, tonton Alex. Pleurage et Sentiments, l'émission rock déglinguée. Avant c'était de la bande FM, maintenant ça sera plutôt de la bande internet, on va appeler ça comme ça. On a écouté Do You Think It's Alright, c'était une petite virgule, une petite parenthèse, une version démo. Et non pas extrait de l'album Tommy des Who, mais c'est bien des Who quand même, mais voilà, c'était une démo. Et je trouve ça marrant et rigolo. Et juste après, c'était suivi de La Rade, Yann Tiersen, comme quoi il y a aussi du français rock, suivi à l'instant, tout de suite, là, juste avant, je cherche le nom, Noir Désir, j'ai pas la pochette sous les yeux, je suis désolé, Noir Désir avec Vivre en France. Alex, excuse-moi, mais c'était pas ça le titre, c'était Un homme pressé. Ouais. Enfin, c'est pas très sérieux, mais bon. C'est vrai que ça fait pas très sérieux de bafouiller comme ça, de chercher ses mots, de ne pas avoir la pochette sous les yeux, etc. Mais c'est pour ne pas, choquer mon auditorat. Parce qu'un auditeur qui a l'habitude de m'entendre, de m'écouter, qui se rappelle peut-être de moi, qui sait, ça m'étonnerait, il sait très bien que c'était déjà comme ça dans l'émission FM, la vraie, la grande, la grosse, celle qui était émise par antenne et onde hertzienne sur une fréquence de 96.9 à l'époque épique, quoique un peu opaque. Voilà, bon, je disais des conneries, c'était juste pour meubler, parce qu'en fait, nous arrivons à 25 minutes d'émission et à peu près par là, il y avait les VC News dans le temps. Les VC News, c'était quoi ? C'était les news des mondes rock, les concerts, les nouveaux albums, les dents perdues, les amours gagnés, etc. Enfin bref, tout ce qui concerne le monde rock, enregistré dans mes VC, pour de vrai. Si, je déconne pas, je suis sérieux, j'ai toujours été sérieux, je ne supporte pas l'humour. Il y en a qui croient que toujours je suis en train de rigoler, que c'est pas possible, je ne raisonne pas. Et il n'y aura pas de VC News parce que là, l'émission n'est pas vraiment préparée. En fait, vous êtes en train d'écouter un pilote, c'est-à-dire je me fais la voix, je me fais les ongles, je me fais la main sur le matos informatique, parce que maintenant, technologie oblige, tout se fait sur ordinateur. Oui, bien sûr. Et tiens, d'ailleurs, j'en profite, un petit coup de délire, voilà. Voilà, c'était l'ordinateur qui déconne. Merci, on va continuer l'émission avec ce qui me tombe sous la main, puisque comme je viens de vous l'avouer honteusement, mais en fait je n'ai pas honte du tout, j'en suis même presque fier, je n'ai rien préparé, rien du tout, même pas ce que je suis en train de dire. Je n'ai rien écrit, ça c'est la honte, parce qu'avant je préparais tout sur un cahier, vraiment le pro quoi, tu vois. J'arrivais, j'avais mon cahier comme ça, et puis j'avais tout écrit, et alors je commençais à discuter, à papoter, il y avait plein de monde avec moi, il y avait le studio, il y avait du monde, il y avait, c'était incroyable, génial, c'était magnifique. We'll be right back. tu parles d'un coup, je fais la même chose, moi. Quel frime, mais quel frime! Je fais la même chose, j'étais musicien, je jouais du triangle avant, arrête tes conneries. Normalement, après, ça faisait... Ah, je me souviens du 33 tours, ça faisait ça, si, si. Ce n'est pas un sacrilège d'enchaîner Don Johnson à Van Halen, simplement c'est de l'éclectisme dans le monde rock. C'est éclectique, Pleurage et Saint-Imon aussi, et Alex aussi, que voulez-vous? Soyons éclectiques, mes frères. Coco, don't try with gentle persuasion to light conversation. Be very nice. I hear your voice as soft as the night, dear. ben il nous avait caché ça, hein, le flic de Miami, Don Johnson. Oui, c'est le même, hein, c'est l'acteur, le comédien et le chanteur maintenant. C'était ici son premier album. Il s'était entouré pour l'occasion de plein de très bons musiciens. Je vais pas vous dire les noms parce que... Devinez quoi ? J'ai pas la pochette sous les yeux. La honte. La te honte, Alex. Mais non, on déconne, on est entre nous. De toute façon, personne nous écoute. Voilà. Don Johnson avec Coco Don't. Un petit peu avant, c'était Van Halen avec You Really Got Me. Enchaîné à Van Halen, hein, c'est bien. Et puis, You Really Got Me, je crois que ça avait été une des chansons des Kinks, si ma mémoire est bonne et si je ne suis pas totalement Alzheimer. Bon, ben voilà, c'était Don Johnson, quoi. radical. Gritaré nazis nunca más. A la mierda reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar. Siempre amé la libertad. A la mierda reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar. Siempre amé la libertad. Ouais, je te le fais pas dire, c'est la vraie mierda parce que moi je parle espagnol comme une vache qui pisse, donc je ne pourrais pas vous traduire. Me redire le titre, s'il te plaît. D'accord. Ok. On s'énerve pas. Calmos, les gars. Hein. Je disais ça, c'était pour amener la discussion un petit peu. Les suites avec Ballroom Blitz. C'est moi qui leur ai tout appris. Voilà. Sweet, plus connu aussi pour leur chanson Action, et puis Set Me Free. Ça sent bon les années 60 et 70, tout ça. Mmh. to know. Boston. More than a feeling. En 76, il y a eu deux choses importantes, la grande sécheresse et le groupe Boston. Pour les prochains titres, j'hésite vraiment parce qu'il y en a énormément qui sont bons et je sais pas lequel mettre en fait. Il y a tellement de titres de Nirvana qu'on adore tous que voilà, on pense tout de suite à Smell Like Teen Spirit. J'arrive même pas à le dire. Je suis pas bourré, je vous jure. J'ai pas besoin de boire d'alcool pour être comme ça, dans cet état-là. Mais bon, bah respect pour le chanteur Kurt Cobain, hélas disparu trop tôt, etc. Il paraît qu'il n'aimait pas cette chanson. Alors on va pas la mettre et puis on en mettra une autre. C'est tout. Voilà. C'est comme ça, pleurage. Comment ça s'appelle cette émission ? I'm so happy, cause today found my friends here in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Book on beers, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Yeah! That's okay, cause so are you. Broken mirrors, Nirvana avec Lithium d'ampleur âge et sentiment. Maintenant, c'est Status Quo avec Way Down, un titre de Elvis Presley. Sauf que là, il n'y aura pas la grosse voix. Enfin, quoique, tiens, je me tâte. Si je la faisais, moi, la grosse voix de Way Down. Baby, getting closer. The lights are going dim. The sound of your breathing has made the mood I'm in. But all of my resistance lying on the floor, taking me to places where I've never been before. And I can feel it, feel it, feel it, feel it. Way down where the music plays, way down like a tidal wave. Jusqu'à la dernière note, hein, il y va, hein, le Alex. Hein. C'était son côté Jean Gabin, Jean Gamin surtout, parce que je suis un peu gamin. On continue avec Don't Be Late, le groupe Saga. Alors ça, ça remonte à... Ouh. We'll be right back. C'était presque mon fantasme, ça, Pat Benatar. Qu'est-ce que je pouvais aimer cet album ? Pat Benatar avec Treat Me Right à l'instant dans Pleurage et Sentiment et dans vos oreilles sur votre radio. Voilà. Alors eux, je les ai vus en 83 en concert à Besançon, dans le Doobs, et c'était vraiment très très bien. Surtout qu'il y avait un de ces guitaristes qui ressemblait un peu à Angus d'ACDC, et puis on se disait, tiens, c'est marrant cette ressemblance. Ben, c'est sûr, c'était son frère. Change. lui aussi il joue à Elvis Presley. Bon, c'était le groupe Starfighters, extrait de l'album Starfighters, avec le titre Help Me. Je suis désolé pour la qualité du son, je ne l'ai pas trouvé en mieux que ça, et là c'est vraiment le 33 tours qui vient de passer, dans une qualité, 33 tours, donc vinyle qui craque, qui a été écouté 500 millions de fois, j'exagère, en fait je ne l'ai écouté que 499 980. Pardon. C'est bien aussi, Viva, c'est le deuxième titre de Viva qu'on entend ce soir, parce qu'ils sont déjà passés en début d'émission, mais c'était pas vraiment aussi hard, si, enfin hard, je m'entends, je veux dire, c'est un petit hard, un petit peu FM, hein, un petit peu FM inné, même un petit peu efféminé. Bon, tout à l'heure, il y avait eu Viva, si, ne m'obligez pas à chanter, il va pleuvoir, bon, vous m'obligez, d'accord, vous insistez, ok, vous l'aurez voulu, tenez-vous bien, tenez-vous mieux. Tout à l'heure, il chantait Enfin voilà quoi, lui il chante mieux que moi, forcément c'est son métier aussi. Enfin voilà, c'était donc le groupe Viva en début d'émission, et il m'a semblé, je n'ai pas réécouté le début de l'émission, étant donné que nous sommes en direct, je ne peux pas reculer, bande de... Ah, il y a des jours, je vous jure. Enfin bref, je n'ai pas écouté, donc je ne sais pas si j'ai désannoncé ou pas ce disque. Alors je le désannonce maintenant, c'était Viva avec Love Me. Et puis celui d'avant, c'était Viva avec un autre titre. Enfin bon, bref. Eh bien, vous voyez ce titre de Viva là qu'on vient d'entendre, à la guitare très calme, très... Ça me faisait penser à un titre de Dire Straits. Peut-être bien... Ouais, peut-être bien qu'on va se le mettre, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez, mon Dieu ? The river, deep and wide. Voilà, c'était ce titre dont je voulais vous causer. Extrait de Brothers in Arms de Dire Straits. Et puis, bah tiens, le même groupe qui continue. Sauf que ça ne se prononce pas pareil. Là, le nom du groupe se prononce Pink Floyd. C'est le même chanteur, sauf que ça se prononce pas non plus pareil. C'est le même titre aussi. Ça ne se prononce pas pareil. Ça se prononce The Division Bell. C'est le titre numéro 9. J'ai décidé de donner les numéros maintenant. Je donne plus les noms. C'est plus court. C'est vrai, quoi. On dit rien du tout. Voilà, on se tait. Alex, chante ton radio. We'll be right back. sera exactement... trop tard. Alex, sur votre radio. Ah ben voilà. C'est la fin de l'émission déjà. Ben oui, ça passe vite, hein, 1h30. Ça dure exactement 1h30, en fait, 1h30. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Il paraît même que ça dure 90 minutes. Enfin bon, ça, j'ai encore pas le calculé, c'est sans doute en euros, et moi je calcule encore en francs. Je suis de la vieille école. C'était pleurage, pardon, scintillement, j'ai plus de voix, hein. C'est la fin de la soirée. Pour moi, ça se trouve, vous écoutez ça deux jours, ah ben, tant mieux pour vous, bonjour, alors si vous êtes deux jours, bonjour, moi c'est la nuit, là. Donc, voilà. Alors c'est la fin de la soirée, j'en peux plus, j'ai plus de voix, je suis fatigué, l'émission d'une heure trente pour vous a duré pour moi au moins 5 heures, parce que le temps que je prépare tout, que je mixe, que j'enregistre, que je... enfin tout quoi, parce que c'est moi qui fais tout, hein. Vous pensiez peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre ? Non, le technicien du début c'était moi aussi, eh oui, je sais, je suis comme ça. Et vous pensiez aussi peut-être qu'il n'y avait rien de préparé, que mes hésitations étaient... eh ben vous avez tout faux, voilà, tout était préparé, tout, j'ai triché. Et voilà, c'était Tonton Alex avec vous, Talex dans l'intimité, intimité entre moi et moi, et puis un petit peu vous quand même. C'était Alex avec Pleurage et Scintillement, fin de l'émission rock déglinguée de la FM, devenue l'émission rock déglinguée du web. Et puis je vous la souhaite longue, douce, agréable, mouvementée, enfin chaude, tout ce que vous voudrez. Je parle de quoi ? De la nuit, bien sûr, de quoi vous voulez que je parle ? Salut à tous, merci d'être restés avec moi et puis à très bientôt, j'espère.